Japon n'est pas si loin. Je croise tous les matins sur le quai du RER en sifflant ma première bière. Cette jeune fille aux cheveux raides qui fuit toujours mon regard ne pense pas à moi la nuit quand je meurs de désespoir. Avec toi dans ses bras, je me taille les veines de Tokyo à Noirmoutier. N'importe où je te suivrai. Oh oh oh, oh oh oh. Comment lui dire que j'espère passer ma vie avec elle sans qu'elle change de direction ou me trouve superficielle. Je ne sais jamais où elle va ni pourquoi elle ne m'aime pas. Mais maintenant c'est décidé, plus jamais je ne la quitterai.